te dire merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alpha, Omega. À toi l'honneur, à toi la gloire.